Yes. Pas de soucis. Ciao, sans froid. J'ai des impôts dans la casa, amigo. Ciao. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Poto, faut que ça bouge. Appelle le shérif quand j'entends le saloon. Fais péter le champagne, poteau, faut que ça mousse. Chao sans froid, ouais, pour nous ça roule. Maintenant faut que ça bouge, poteau, faut que ça bouge. Appelle le shérif quand j'entends le saloon. Fais péter le champagne, poteau, faut que ça mousse. Chao sans froid, ouais, pour nous ça roule. Maintenant faut que ça bouge. Quand tu parles de fainéantise, dis-moi à qui tu t'adresses, mec. J't'ai pas attendu pour bouger mes putains de fesses. C'est le rap qui me fera déménager, changer d'adresse. On évite le manque de respect, la maladresse. Sous ma voix, l'instru qui ça fait sa baisse. Moi ça va, et toi royal à baisse. T'as reconnu le latino, l'euro de la tête. Bientôt le rap, c'est de l'histoire ancienne. Tout change, même le blast d'MC, tout change. Même la plaque des villes, 600 fois le mec qui prend et perd du poids en quelques mois. Rien n'est statique, même pas la politique, l'instru bouge. Connais des variants de boom et de kick. Tu kick, tais-toi le rap. Soit tu l'aimes, soit tu le quittes, gars. L'instru, tu la tues pas. On le fera pour toi. Je suis inscrit dans un mouvement. La seuf de ta meuf suit le mouvement. Rien que ça twerk, twerk, twerk. Poto, faut que ça bouge. Appelle le shérif quand j'entends le saloon. Fais péter le champagne, poto, faut que ça mousse. Chao sans froid, ouais, pour nous ça roule. Maintenant faut que ça bouge, poteau, faut que ça bouge. Appelle le shérif quand j'entends le saloon. Fais péter le champagne, poteau, faut que ça mousse. Chao sans froid, ouais, pour nous ça roule. Maintenant faut que ça bouge. 1, 2, 1, 2, check, je vais rebalancer mon texte. C'est du 25 000 tonnes sur la pesette. Sur un boom boom clap, fais vibrer ton checks. Appelle-moi que s'il faut signer ton chèque. Tu m'as vu en concert, tu m'as vu dans des clips. Je garde la tête froide dans ce qui me concerne. Si tu me respectes, Rayo, je te respecte. Même devant la tempête, poteau, je reste zen. J'ai de la réserve, gère le réseau. Seul dans mon vaisseau, je quitte la terre ferme. J'ai fait confiance sans aucune raison. Et du bonheur, j'en ai pas la recette. Fais mon entrée en scred, j'ai que le temps presse. Le microbe se change en gangrène. Comme Simba, j'ai perdu Mufasa. Laisse les hyènes se bouffer entre elles. Contrôle mes chakras. J'avoue, je les tolère, mais je les crains pas. Je kick dur ton équipe, à le visage pâle. Sans froid, chat ouvre la rafale. Pire que le napalm. Ça fait clic, ça fait parpa. Une bouteille sous le parcage. Kick comme un bâtard. Speed comme la Guardia. Voilà le 25 000. Défends nos terres comme les Spartiates. Faut que ça bouge. Appelle le shérif quand j'entends le saloon. Fais péter le champagne, poteau, faut que ça mousse. Chao sans froid, ouais, pour nous ça roule. Maintenant faut que ça bouge, poteau, faut que ça bouge. Appelle le shérif quand j'entends le saloon. Fais péter le champagne, poteau, faut que ça mousse. Chao sans froid, ouais, pour nous ça roule. Maintenant faut que ça bouge. La 25e, on est toujours avec Sang Froid. On va diffuser le son latino. Avant la rime facile, comme d'hab. T2P, T2P, latino déterminé. T2P, T2P, latino déterminé. Déterminé. Eh, eh, yeah. Débarquement sur la prod, salement. Arrangement de la voix proprement. Tapage nocturne naturellement. Tu rappes pour rien, tu rappes dans le vent. Mon latino déterminé à la vote. Mon objectif tout niquer. Eh, piétiner les autres, comment le dire simplement. Je vais tout ken gentiment. Je suis pas plus vulgaire que toi. Je dis tout haut ce que tu penses tout bas. Je respire dans ce tuba. Moi je fume putain cohiba. J'approche de la trentaine, aux trappeurs locaux en quarantaine. À vrai dire, je m'en bats les couilles, j'ai connu le pire. On a frôlé le placard, on est vite. quitte de balancer. Place au star, apparence trompeuse, un peu comme l'odeur de la bœuf. Je m'occupe pas de tes affaires, laisse-moi gérer les miennes, frère. J'ai les mains propres, la sape qui va avec. Je fais le bis investisseur, ouais, toujours qui va avec. J'ai compté des sommes affolantes, j'ai eu des doses, des mains courantes. Leur genre de musique me donne la courante, compte courant, vite le nombre compte fuyant. J'suis latino, déterminé. Me parle pas de but ni d'objectif, bien évidemment j'vais tout niquer. Kabil Sak, prince de ma ville, comment le contester? J'suis latino, déterminé, le latino, déterminé. J'suis latino, déterminé, le latino, déterminé. J'les vois venir avec leurs plates excuses. Maintenant que la tempête est passée, ils se reposent sur WAM, l'avarice les use. J'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Redouane, musique en place, tu reçois cet album comme une caillasse. En pleine face, les rimes sont choisies, qu'elles plaisent ou pas. J'vois pas lire, où est-ce l'hiver qui fait ça pour m'écouter? Pas besoin de savoir lire, si ce n'est entre les lignes. J'préfère vous voir plonger dans les livres plutôt que dans les livres. Y'a des messages ancrés en moi, c'est peut-être trop personnel. On est tous les mêmes, alors j'préfère être celui que personne aime. Je chante pas sur tous les toits, mais je m'exprime dans toutes les vocales. Latino déterminé, j'suis latino déterminé. Me parle pas de but ni d'objectif, bien évidemment j'vais tout niquer. Kabil Sak, prince de ma ville, comment le contester? J'suis latino déterminé, le latino déterminé. J'suis latino déterminé. Je suis en manque de sommeil. Tous les matins c'est la même. Je suis en manque de sommeil. Tous les matins c'est la même. Je suis en manque de sommeil, je pense trop ralix. Débridé comme le KX. Je tourne des clips partout, on sait plus d'où je viens. La drogue tourne, la retourne, c'est bien. J'ai plus le time pour tes histoires. Showcase bientôt tous les soirs. Tu m'accueilles, je t'accueille normal. Sans froid dans ton club normal. Sur bête croco pour les croquer. Minimum et rescate pour se pavaner. J'suis moi-même avec toutes mes lacunes. Sans aucune, à vrai dire aucune. Adepte du bitume et des grosses voitures. Mon projet, investir dans la toiture. Toujours dans les boîtes, c'est immature. L'avantage sur iPhone, y'a pas de rature. Quand j'en fais, y'a pas de bavure. Cagoulé, ganté, évidence, bien sûr. J'suis en manque de sommeil. Ouais, ouais. Tous les matins, c'est la même. J'suis en manque de sommeil. Ouais. Les matins c'est la même. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey, hey. J'suis en manque de sommeil, j'suis en manque. Tous les matins c'est la même. À côté du bloc, certains se lèvent, d'autres se couchent, toc toc. La fatigue se lit sur nos visages. Depuis la fenêtre de paysage, vu bac sur son épaule. Pour perdre du poids, j'arrête l'alcool. Bouteille vidée, languisse de gourde. Trop d'époque, triste mood, mais on s'adapte. On fait avec. Dans les covas, y'a 100 fois qui tourne, tourne. Des deux baies dans les boîtes à gants, si jamais t'ouvres, t'ouvres, t'ouvres. T'as mis de côté pour le T-Max ou la location. Au présent, connais la destination. Pas la gomme. J'suis en manque de sommeil. Ouais, ouais. Tous les matins c'est la même. J'suis en manque de sommeil. Tous les matins c'est la même. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil. Hey. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil. Hey, hey. Yeah. Gros dédicace, Monsieur K, Besançon, le magasin de la rue Battant. Je t'ai pas oublié, Ro, t'inquiète. J'suis en manque de sommeil. La 25ème, on est toujours là jusqu'à minuit. Là, on attend sans froid pour la rime facile. Alors, est-ce que tu préfères a cappella ou est-ce que tu préfères sur une instru? Ah, a cappella. J'ai écrit rapide. Donc, je rappelle pour les auditeurs qui viennent d'arriver, on lui a posé 10 mots qui doit intégrer dans un texte. Les mots, c'était latino, sommeil, entreprise, muscu, birthday, refait, labo, RSA, insomnie et claquette. Le mot de Jounès. Ouais. Allez, c'est parti. Tu me connais, je suis latino, ego, reste connecté à mon labo. Je tape la muscu pour être refait, lutter contre les insomnies. Aucune gêne, je sors en claquette en bas du bloc. Je lutte contre le RSA pour pas débloquer. Le 16 juin, c'est mon burst des rails. Le lendemain, c'est sûr, j'aurai sommeil. Bientôt, Kébi sans froid, on aura notre entreprise. Avec l'alcool, bientôt, on lâche prise. Bang bang, voilà. Sans froid. Yes. Chaud quoi, freestyle ou quoi? Allez, on va essayer de faire un petit freestyle quand même. Ouais, c'est parti. Longtemps, mon gars. Longtemps. Ouais, c'est parti. Vas-y. Ya. Yeah. 100 FROA, gars. Eh. Je suis trop connecté. Jeune de quartier, déconcerté. Pour me contrer, se sont concertés. Avide de ragots, de buzz, de vérité. Je suis l'unique, me reconnais. Vrai rôle loco qui aime déconner. Sérieux dans le business, les affaires. Des contrats autour d'un verre, image de fêtard abusif. On boit des liquides nocifs. Santé à toute épreuve et on vieillit. Fait tourner la carte basique, fait par ici. C'est sans froid, Radio Sud. Big up, Feuf, Mike, KB, Chao, Junes, Théo2S, Ray. Et tous ceux qui soutiennent. Hey, je fais des snaps, beaucoup de stories. Le rap, un partage, une réalité. Sur iPhone, pas de rature, hip-hop 2019, pas de culture. Hashtag assez classique, moi je fais les miens. Je veux la haute couture et ma sépulture le vaut bien. Mon projet arrive salement sur tes plateformes. Je vais sortir ça en bonne et due forme. Latino, JZ, le Fresh Connection. Sur les ondes micro-convection. À mes écrits, t'auras future traduction. Euro-dollar, tu connais la conversion. Besançon, attention, rap en stud, Radio Sud. Hein. Besançon, attention, rap en stud, Radio Sud. Ouais. 101.8, bang, Radio bang. Sud.net, tu connais? 100FRO. Ah! Eh. Dans la cabine, beaucoup de vapeur, fumeur, buveur et traces de sueur. Pour la madré, je meurs. Pour le refrain, je deviens tueur. Je m'engage à engager, tu auras gâchis dans ton langage. Y'a pas de respect. Reste sage quand son froid devient sauvage. Toujours à la page, j'attends le P. Non, je suis pas dopé, demande au coach. Je me tue à l'attaché, oh, je rejoins moi dans le golf pour rapper. Je regarde plus l'heure, je me fie au soleil levé. L'album arrive. Amomark, AMOMARC, rajoute-moi sur Snap, bitch. Je fais mes bails et toi te fais que bailler. Je fais ma maille quand sous coque tu fais que mailler. Je t'assomme comme un coup de soleil. Je suis la canicule programmée pour cet été. En manque de sommeil, latino déterminé. Je suis avec ma ville, ma région. Tu connais désormais ces Besançon. Accompagné de mes gavas. Dans l'embrouillard, les bravas. Bravo, bravo. Y'a ma voix à la radio. Toujours avec Ebi sur scène et en studio. Il croit en moi depuis que je sors dans les bacs. Avant, rire à mon nez. Bande de tête à claque ma vengeance, c'est le micro. Et vas-y, bouge ta tête, assume que le riff te rend débile et bête. 100 FROA, Radio Sud. Je vais m'arrêter là, merci Chao, Junes, Kébi, yes. Tous les gens qui me soutiennent, tout le monde, gros bisous. Aïe. Est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux avant de t'en aller, s'il te plaît, ma gueule? Sans froid sur Instagram, 100 FROA. Sur Snapchat, AMOMARC, Amomark. Facebook, 100 FROA. Voilà. Yes, c'est la 25e, c'était l'émission spéciale Sans Froid. Merci à vous. Merci d'être venu, merci KB. Excuse-moi, j'avais pas mis ton mic. Pas de soucis, merci Chao pour l'invite. Il faut en faire une d'invite pour KB, bien ça arrive. Sûr. De toute façon, là on va. Bon, là on commence à avoir pas mal de monde jusqu'à août. On coupera en août. Eh ben, ça tombe bien en septembre. Voilà, on prépare doucement la rentrée déjà. Cool. Feuf, Mike. Bon, il y a du monde là qui est arrivé, ouais. Deuxième heure, quoi on passe dans la deuxième heure, on va faire l'open mic, je remets juste un petit peu de son en attendant le temps qu'on prépare, que les gens se ramènent dans la salle, et puis voilà, si tu veux rester pour l'open mic, on va rester un petit coup, on va écouter ça, c'est normal. Yes, ah oui. Radio Sud 101.8, radiosud.net, vous connaissez la 25e, on est là jusqu'à minuit, on va avoir trois quarts d'heure de freestyle, donc ceux qui veulent venir, on est au 43 rue d'Arens. Allez, venez les gars. Plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes. Finalement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous. faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. J'm'en fous, j'm'en fous, j'm'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, j'te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à perdre. Tu as raison, oui j'ai tort, moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Besançon. Besançon. 101.8 FM. It's been so long, long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to link up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now. Yeah, la 25e, on est toujours là, c'est parti. On va balancer 2-3 prods. Là, les gens, ils sont encore dehors. Ils commencent à rentrer tout doux. Il y a déjà Edinho, Théo2S. Je crois qu'il y a Gore. Il y a KXR. Il y a Luffy de la balistique. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a Jounes. Mais bon, Jounes, il est à la retraite, Jounes. Eddy, c'est bon ou quoi, Eddy? C'est parti. C'est parti. Mets un peu plus fort dans le cas, s'il te plaît. Ouais. Edinho. Je veux pas mettre le jack, hein. C'est parti, c'est parti. Hein, hein. Hein, ma gueule. Hein, hein. Check. La 25e. Hein. La flicaille des poules, hein. Hey, la flicaille des boules, ouais, ouais. La flicaille des boules. La flicaille des boules, ouais. La flicaille des boules, mon vieux, oublie pas ton pactage. Type comme le Shiva Saketa, à 12 ans d'âge. Au volant du mini, ouais, y'a les bleus qui marcellent. Contrôle intensif, à croire c'est moi qui gère le cartel. Ce parti trop tôt, m'ont causé beaucoup de mots. Et on manie les mots à en devenir parano. J'ai misé sur moi, pas sur une grille du loto. 3 ans dans le rap, j'ai pas changé mes propos. Toujours les mêmes poteaux. Le petit Moussa femme saut, j'suis dans la cité Carter. Ambiance pire qu'en enfer. Tu me vois refait normal, Hakim est libérable. J'ai perdu ma mère depuis ma vie est moins stable. J'compte pas jouer perso pour faire gonfler mes stats. J'ai commencé à freestyle, la zone s'est levée comme au stade. Les vrais te le disent en face quand les salopes parlent dans ton dos. Hein? Là tu vois les vrais poteaux. J'suis dans la zone, j'suis dans FC Hood. FC Hood, mais toi t'es où? J'suis dans la zone, j'suis dans FC Hood. FC Hood, mais toi t'es où? Là j'y vais dans le chargeur, dans le FC Zoo. FC Zoo, mais toi t'es où? Bang bang. Eh hey. Dédicace au TX ma gueule, hey. Yeah, session open mic. On est là. TO2S, check. TO2S. Pas le temps tout c'est que j'ai déjà roulé. Avant de brasser, j'avais jamais fumé. Les problèmes passés, faudra assumer. Chacun de tes choix détermine qui tu es. Dis-moi, y'a combien de gens qui parlent maintenant? Dis-moi, combien d'actes au côté pas ceux qui sont tipa? Non, on les calcule toute notre life. J'fais plus d'efforts, c'est comme ça que ça marche. Ta go m'appelle quand le soir t'es pas là. J'ai autre chose à faire de bien plus productif. Pendant que t'effaces tes peurs pour du bif. Les MC parlent de gens armés. Mal à le sortir. Et Gini, on reprend, non? On va switcher, on va switcher en attendant qu'ils arrivent. On va attendre, ça arrive tout doux, ça arrive Ose. Il met du ASAP mob en fait, le gars. La 25ème, la 25ème. Hey, Edu. La 25ème, Edu. Ouh. Taïxer. Ok. Et je flex toutes les euros studio. La prod je l'ai ausculté. Tu l'as pas caché de billets comme ça on te connaît. Négro ne fais pas le blindé. Toi tu portes plainte et c'est fini. Je veux 800 VVS à l'infini. Donner des conseils à future famille. Tu te bouges pas et tu te plains de la famille. Mais lui dis-moi ce qu'il recherche. On n'a pas les mêmes flots encore moins les mêmes textes. Minuit elle retire sa culotte. Elle veut que je le fasse ça fait. Tiens ma main sur sa fesse. Je veux un sale salaire pour une tchop. Pouvert dans cette région de merde. Il fait trop froid. Sa mère évidemment que je viens si ça parle l'affaire. J'en ai trop dans la tête mais je le roule quand même. Hey, direction Meda à l'arrière du Airbus. Putain de merde. Pour piéger le pédo j'ai mis la micro-puce. Putain de merde. Quand y'a une fusée bah mes idées elles fusent. Putain de merde. Et putain de merde. Putain de merde. Ouh. Bebanks. Bebanks bang. Bebanks bang. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Mela dose. Hey. Le sec est miné et c'est plutôt coré. Mes ancêtres étaient sur l'île de Gorée. Dans le fond de ma jungle. Ouais, ouais, ça fracasse le gorille. J'en ai vu du sale dans plein de stories. Nul en maths, on sait sur qui compter. Dans nos PJ, ils n'étaient pas le rapporteur. On les remet d'équerre, ouais tout est carré. Ils sont bons sur eux, j'ai pris le meilleur. Il fait beau donc j'ai sorti la crosse. Barreau dans la ville, ouais c'est nous les boss. TO2S, prends la suite. On se réveille, on dort dans le pera. Je viens chercher de l'or comme un pirate. On sait que les efforts ça paiera. Les problèmes ça forge, j'en ai déjà. On traîne dans des coins sombres comme des cafards. On est des Robinson modernes mais on s'adapte. De mon côté je fais du son depuis l'époque du cartable. Du pactage dans la cour que je garde si t'as pas de cash. Pas très bavard, je prendrai ma part. Pas de beau jour ni d'au revoir. Je serai sur Lazare, je trouverai la dernière fois. On s'attend du purgatoire. C'est pas de... Ah putain ça merde. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Elle tape dans la rue puis fait tourner la cocaïne. Je me suis fait dans la douleur, no pain no gain. Même sur le beat, on est sanglant. On le fait sans gants, on a besoin d'argent. Faut la mentale, un peu d'acharnement. Le bon comportement pour les faire autrement. Bang, hey. J'ai tout donné pour mon squad. Squad. Sur le rinté dans le stade. Hey. Papy prisonnier dans un stade. Je ferai la couverture du mag. Hey. Je vais tellement briller, t'auras mal aux yeux. Tu te crois au-dessus de moi, vas-y fais un vœu. Je fais chanter ta bitch, c'est pour ça qu'il pleut. Avec la déterre, on obtient ce qu'on veut. 40 degrés, je mets la barotte. C'est mon plan, Zeta le barreau. La guette à 2-5, c'est le tarot. Hasba, mes frères, et ça t'arrose. Beaucoup de méga va sans fume. Beaucoup de méga font des thunes. Tu vois de quoi je parle, tout ça c'est la rue. Si l'arnaud, j'ai pas, faut rester à l'affût. Open mic, la 25ème. Hey. Celui qui veut check, il prend le micro, c'est simple. Je la pète. La bitch me colle. Ok. Bitch me colle. La bitch me colle. J'ai pas le temps, je dois envoyer des instruits à Luffy. Négro, qu'est-ce que tu dis? Tu parles de phobie? J'ai mis tous mes atouts dans ta fille. Oh, c'est dégueulasse. Comme si tu me dis, viens, on fait pur de hache. Tu parles de cash, tu parles de cash. Mais au final, bah tu de cacher, tu vois flou quand on arrive chez toi. Tu parles chinois et puis tu cries c'est pas. Moi et le rap, négro, c'est que le départ. Oh. Si tu kennes pas de la chambre, tu te barres. J'enlève son haut et puis son bas. Bye. Sur ma teub, il fait de la samba. Yeah. Si ça parle cage, de suite, tu l'as. Si tu sais pas, tu ne parles pas. 8 bars, je suis flex, je vais dans la cabine, je pose ça. Y'a toujours tout dans ma cosa. Y'a, hey, Tanga Munoko, petit bâtard. KXR foutra le bazar. Putain de merde. KXR dans la maison, Gore dans la maison. Et Gino dans la maison. On va switcher, on va switcher. T'inquiète pas, j'ai plein de prod. Yeah. Par contre, faut les tuer, les gars, celle-là. Gore, putain, merde. Que... Gore, celle-là, yeah. Je pense qu'elle est bien pour toi. Hein. Yo. Yo. Oh. Mon man on va niquer les stats, wow. J'écoute pas les rageux, rageux. Mon man on va niquer le boy. J'ai le majeur levé, j'ai la rage manger. Uh-huh. T'as fait dans la salle du temps. Être meilleur, ça prend du temps. Prends du plaisir à les chifler. Pour ça, il faut du camp. Mm-hmm. Moi j'ai des montants fait carré. Gros, t'es pas préparé, ouais, j'irai là. Mais je ne vais pas m'égarer. Vous pouvez tout faire, mais j'avais mouvé mes gars. J'ai des gardes dans ma manche. J'suis sur la puce de lancement. Prononce pas mon nom. Oh bitch, comme si j'étais Voldemort. J'aime pas ta bitch, elle fait tes manières. Mais c'est rien tant qu'elle le suce dans l'escalier. Yo, j'suis dans le vaisseau mère. Wow, on est prêt pour la conquête, gros. M'amène, j'ai plus sommeil. J'vais vous niquer, c'est personnel. Hein. Toujours debout, je vais m'élever. Fais de la place pour Melosa. Maintenant ramène à mes lovés. Quand je galère, les vrais le savent. Hein. M'arrêter, c'est impossible. Comme un train qui déraille. On va foutre le bordel à ma dans la pomme. Après, on va se tailler. Banks, wow, wow. Qui prend la suite? Wow. Merde, ouh, merde, merde, KXR est parti dans le truc. KXR est parti dans le bail. Wow, KXR, KXR. Je crois qu'il a chauffé pour le bail. Yo, wow, wow. A 3 ou à 4 dans la brechant ça se démarre. 10K sur le putli, je suis content, ça t'émaille. Y'a full up d'un spi quand je mélange la sativa. Tu fais ce qui quand y'a tap et tu fais la mala. Boy mec, j'ai pas le temps, c'est pour maman. J'ai filé filé sans renseignement. Mauvaise soirée, fini en sang. C'est pour ces fesses que je viens seulement. Et ça me dégoûte, je vois qu'on me ment. Des bails pas très cool et qui me désolent moi. Je me fous de son boule dans la masse, je me foule. C'est pas ça que j'ai voulu, regard noir comme la moon. Alors qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que t'attends? Dans un moment où te pull up, crois pas que je mens. Je peux gérer ta gauche, voiture allemande. Mon équipe et moi ne parle pas flamand. Alors fuck toi et ta team, on n'est pas comme vous. Sur ces seins, je fais de la tétine, j'ai beaucoup d'atouts. Elle fait la maligne, je crois que je vais la ligne. Skip, je fais bonne mine, ce peu rage, je patine. Et c'est pas de ma faute si je dors très très tard. Je me réveille, je suis fucked up de la veille. Ça se voit que j'en ai marre, putain de merde. Putain de merde. Oh Luffy, pose ma gueule. Pose le biais, mon pote. Ouais. Ah. J'observe les bails. Ah. J'observe les bails. Ah. Je suis passé juste un fumigène. Mais d'avant public t'es comme indigène. T'es pris le camas quand j'ai fini de zoner. Sur le trône j'éjecte la concu flinguée. Essaie de me douiller, j'ai comment la baser. Et ta bitch j'ai comment la baiser. Si ta go de pétron c'est qu'elle est meilleure. Fais ton sinoche autre part, on est tous des travailleurs. C'est un bout tu veux, je peux te donner l'heure. Je pense tous les jours quand ça sera mon heure. Mon heure de gloire ou bien pire de béton. Quand t'as rien à perdre tu te retrouves en marge. Quand je suis blessé je pense à tuer du monde. Pour faire un yeba faisais que des temps pleins. Demain j'ai besoin d'un rein qui va m'en donner un. On est 8 mais quand ça part en vrille je suis seul. Mon flou je l'investis dans mon nouveau seum. On sacrifie pas de linceul. Tu m'as fait du tort, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oubliez que t'as voulu m'bola. Toujours le même, un peu plus bola. Tu peux te méfier, t'as vu. Mais t'es canné par la life. Le fil, la balistique. On te remet Zemel. Putain. Je peux switcher, hein. J'ai des instrus les gars, vous inquiétez pas. On voit. Celle-là elle est méchante déjà. Lourd. Bande de talk, je vais vous intoxiquer. Le projet toujours décortiqué. Portez l'œil, on va tout simplifier. Y'a un œuf normal dans le rideau pour te liquider. Rien à fouetter que tu nous valides. Tous les dés, c'est la D, vous êtes fatigués. Réveillé depuis petit, je t'ai yégé des colis. À tes petits rêves, j'ai posé des torticolis. Pour un bonhomme que tu pars, on a oublié Charlie. Fuckboy, après te tape, je t'arrache ton collier, mon pote. Enculé, va. Vas-y. Vas-y. Eh. Mais toi tu veux casser des gueules. C'est que de la malade t'es dégueu. Tu prends ta dose et tu décuves. Boy, c'est que de la malade t'es dégueu. T'es dégueu, tu fais rien, t'es trop d'art. Ils sont pétards et sales, c'est de plus en plus rare. Je veux le rari de la OG, pas de Molly. Ok, salut, salut, ça va, ça va. Je te, ça va, t'as pas de bébé. Des avis positifs et négatifs. Dans ce rap game, je vais faire la diff. Elle me kiffe, je veux du bif. Je te nique, je te quitte. Tu parles sur les réseaux, c'est que de la malade, négro, ressaisis-toi. Et pour mes futurs, je veux dire d'avoir bon toi. Mais toi, comment tu vas faire pour pop? Y'a moyen, tu suces comme une lollipop. Dans un son poteau, y'a pas que les rimes. Y'a pas que les rimes, putain, y'a un trou, sa mère. Pull up, master, wesh. On pull up ça, on pull up ça. Non, switch, switch, switch. Boy. Il reste de la prod, le fils, t'es chaud. On est là jusqu'à minuit, les frères. Venez check le mic. Qui prend la prod, là, wesh? Ah, ça se passe ou quoi? Je switch, je switch. Hey. Tu prends celle-là ou quoi? On va essayer. Démarre le golf, prends 2-3 photos motivées. Arrêt chez l'épicier, bouteille de V, quelques gobelets. Je dévisse le bouchon, je me dis dans 2 heures, je suis au fond. Ça parle de la semaine, à chacun la sienne. Douleur et peine, quelques vannes fusent. Deuxième verre, je ressens les premiers effets. J'annonce au troisième, on se pose devant le club. Appelle le livreur, il faut du diluant. Fais gaffe, les sièges, tout en roulant. Je tiens le volant, encore une soirée où je suis invigorant. À défaut d'être acteur de nos vies, on sourit, balance les dernières punchlines. Sur instru fraîche, je mets le chauffage, fenêtre ouverte, on la fraîche. On snap les freestyles, on appelle les autres. On se rejoindra tôt ou tard avec les nôtres. On a des projets, des ambitions. On en parlera plus tard, on claque le bifton. On reste fier, même dans état second. L'alcool et la drogue font état second. Le copilote roule à gauche pendant que je tiens ma droite. Je commence à avoir la démarche maladroite. Je suis dans mon délire, je suis bien. Je suis avec Amigo, je suis bien. Je félicite le nouveau papa et je lui sers un verre. Plus le son, j'imagine la suite. Putain, elle passe de plus en plus vite. Rappelle-toi, elle date de quand la première cuite? La première meuf, la première altercation avec les keufs. Et ouais, mon ref, la première claque sur sa seuf. Switch, bro. La donnée, la tuée, là, c'est bon. Là, tu vas canner chacun. Je pull up ça. Hein. Vas-y. Allez, c'est reparti, mon gars. Hein? Non, switch. Non, pull up, enlève. Non, switch. On switch, on switch. Je switch alors, je switch. Et on va envoyer alors. Ouh. On va envoyer alors. Mike, mon tu veux pas kicker, Mike beaucoup. Mon ego, tu parles pas beaucoup. Hey. Hey. Purchase your tracks today. Bebing bing. La 25ème jusqu'à minuit. Ah, bebing bing. Y'a des instrus, y'a des instrus. Eh. On sait ce que tu veux, on sait ce que t'as pas. Tes mains dans mes yeux, y'a pas de blabla. De l'or et des cartes, et beaucoup de cartes. Je suis sous lemonize, posé dans ma phase. Pull up, je suis à 50, le flow est saccadé. Je mets tout dans ma sacoche. Je mets tout dans ma sacoche parce que j'ai pas de poche. Je suis dur comme la roche, eh. Quand j'analyse bien, je crois que cette pub veut se poser. Au studio, je fais aucune pause. Toxique et violent comme un poison. Si tu veux taper, faut bien viser le fardeau familial, négro. Ouh. Tu souffles, ma gueule. Putain. Ah, ça, mais... Normal, normal. Ça enchaîne, hein, ça enchaîne, hein. Gros feu coaster qu'on encule. T'es pas un addict, t'en as tout l'air. Trop chaud, on nique tous les records. C'est du rap tranquille, j'suis même pas hardcore. Dans les starting, j'suis chaud bouillant. J'ai arrêté le sport, mais j'suis battant. J'suis métis gabonais, on a le sang chaud. Tout bail gros sous, je suis partant. Si y'a drap, tiens-moi au jus, on vient faire jeter leur bouche. J'rachète une team et j'viscère. Les keufs dans le scénic, j'les screen. J'ai planté, mais j'fais pas d'escrime. Dans tout ce que j'suis bon, j'suis meilleur dans le crime. Faire du sale, ça m'évite de trimer. Être connu, ça me ferait vendre des streams. Ça te fait vendre des streams. Bah oui mon négro, bah oui mon négro. Gang gang. Pourquoi faut toujours que tu fasses l'ancien? Non. Putain. Pourquoi faut toujours que tu fasses l'ancien? Que tu fasses l'ancien, sa mère. Pourquoi faut toujours que tu fasses l'ancien? Que tu fasses l'ancien, sa mère. Pourquoi faut toujours que tu fasses l'ancien? Pourquoi faut toujours? Pourquoi faut toujours que tu fasses l'ancien, mon pote? Pourquoi elle commence pas, wesh? Elle arrive, t'inquiète. Oh, je la prends, tu la prends. Je la prends, mon frère. Prends-la après. ça. Hey. Non, vas-y, prends, hey. C'est beau. Hey, hey, hey, hey. Pourquoi faut toujours que tu fasses l'ancien? Tu veux un truc, y'a pas de soucis. Ici c'est pas facile donc reste tranquille. Ça pue le poisson dans ta poussie. Trois négros sur un scooter, pas de casque ni BSR. Soulevé par la BA, c'est 24 heures de GAV. Je réponds même aux appels que je connais, hop. J'écris sur Facebook plus de giga. On est ZRT mal, la dentition de Megava. Une balle du chargeur et t'es mort. Intelligent, on peut te manipuler. Arme de poing, je manipule. J'effrite mon jeune dans ma bulle. Et quand je le chauffe, un qui fume. Faut des millions de dollars. Évitez à tout prix d'être tolard. Sinon c'est trop tard. À Noël le maton c'est le père fouettard. Tous les jours c'est un passe-temps. Faire venir en masse tous les passants. Tous les passants. Qui pose ça, oui? Personne a le mic, hein. Vas-y, Chakaï. Il cherche les textes, hein. Pose. Elle est lourde celle-là. Hey, j'ai pas fini de brailler derrière le mic, je suis on fire. Même tes plus grands alliés dans la pénombre souhaitent ton malheur. Je suis habité par un monster Venom ou Bruce Banner. A chaque fois que je prends le micro, t'as des bouffées de chaleur. On va la prod, on va le faire. Toujours bouillant et tu le sais. Jeunesse du père est sans repère. Je sens les taux qui se resserrent. Mets plus d'alcool dans le verre. Mets plus d'alcool dans le verre. MC, t'as des milliers de followers, mais personne à tes concerts. Au 2S, tu vas prendre le mic, tu vas plier le bail. Hey, hey. Va prendre le mic, tu vas plier le bail. Hey, hey. T'es au 2S, KXR, Gore, Luffy, sans froid, KB. Show. Parle pas de course si je t'ai barré de la liste. Petit, je squattais le foot, je voulais pas être artiste. Je suis un peu fou, mais bien trop réaliste. Chaque année sur le G-Pro, j'y mets ma vie. Y'a du monde sur la ville. Y'a pas à faire le vilain si tu n'es qu'à Yankli. On croyait pas en l'avenir. Maintenant qu'on y est, on veut pas repartir. Tes rêves sont tous par terre, check tes déçus, ça te pousse à terre. Tout est réel, pas de jeu d'acteur. On se dit les choses ou on se dit adieu. Check au fond t'as peur mais faut pas. Tu peux pas gagner si tu t'écartes du combat. T'es pas mon after si t'es qu'un premier soir à la fin de l'after. Je regarde mon verre et je dors pas. Les choses se passent mais je sais quoi faire. Pour qu'on se jase comme chez le coiffeur. C'est familial, je suis avec mon père. Au Portugal, rien de matin, je suis. T'es au dessus. Yo, yo, ça faisait un moment que j'ai burné. Je faisais tellement de choses, je m'y perdais. Toujours en mouvement perpétuel, à trouver l'or, on en perd pied. Chant que les derniers seront les premiers. Waouh, waouh, waouh. Chant que les derniers seront les premiers. Waouh, waouh. J'ai caché plein de rêves sur mon sommier. Les gauches ou l'un de vous, mais le cœur y est. J'ai cramé toutes les pédales dans le cendrier. Mais dans mon cœur est en chantier. Fuck tout ça mène, je me dis où ça mène. Waouh, est-ce que je me perds ou bien c'est l'inverse? Oh, difficile de suivre un chemin qui est linéaire. Waouh, waouh, waouh. Électron libre, je veux la main de Kelly Jenner. Waouh, waouh, waouh. Ça fait grave longtemps que j'ai pas kické. J'en ai plein dans la tête. Waouh. Quand t'écoutes, tu dis qui c'est. Gore m'amène, tu te rappelles, hein. Je suis là pour faire des dégâts, prends des gardes, j'ai les cartes en main. Un petit comme Vegeta, j'ai la force de végétaux. Je permets nos sillons et mes émotions à cause de la potion. Waouh, waouh, waouh, je permets nos sillons et mes émotions à cause de la potion. Waouh, waouh, waouh, waouh. C'est la 25e. Waouh, waouh, 25e. Bang, bang. 25e. Waouh, waouh, 25e. Pala, pala, bang. Waouh. Tu es dans le braille, yeah. 25e. Attends, je la garde pour après celle-là, je crois. Je vais la garder pour plus tard. 25e. Ça, ça va te rappeler quelque chose, Gore. Ah ouais? T'es au 2S, mets le casque. Mets une oreille. Ça, c'est une instru de kicker, hein, putain. Même toi, t'es sur le son. Si elle l'entend. Je te mets au défi de faire ton couplet. Je m'en rappelle plus. Yeah. Vas-y, je laisse tourner, celui qui veut la prendre. Sors de chez moi, je sais même pas pourquoi, rien à faire ici-bas, hein. Sors de chez moi, je sais même pas pourquoi, rien à faire ici-bas, hein. La 25e, 1-0-0, hein. Genre de chez moi, je sais même pas pourquoi, rien à faire ici bas, toujours plan l'air car je me sape de speed, jogging et fat cap. Je tape 2-3 rappels, le coiffeur m'appelle, j'évacue ma peine et ma haine en pilotant sur le boulevard. Je pêche le Kabyle, direction le centre-ville, coup d'œil dans le rétro. Je m'assure que je suis gosbo. Interpellation du regard de cette go. Eh, la 25ème, ciao. Switch. Switch. Switch. Switch. On va. Switch. Boy. On va. Switch. Yeah. Ok. Personne la prend, Le verre est plein, j'y vois le reflet de la lune. Si demain je m'éteins, une étoile s'allume. Je gratte par chemin dans la brume. On veut être bien, mais pour ça faut la thune. Des tonnes de calculs pour remplir la ciel. Sans toucher la dure mentale, fort comme l'acier. Faut que t'assumes tes erreurs, tu tasses et toi dans le côté. Je ressens un mess, encore une coca, un mec. Bref, j'éteins mon tel. Parle pas de quelque chose. Ton croyant en ami, vas-y laisse-les. Ce qui compte c'est l'honneur et le respect. S'il n'y a pas les deux, mais pourquoi rester? Laisse-les loin de toi se miller. Je vois le temps se miller. On devient de plus en plus vieux. J'en vois certains bouffer des miettes. J'en vois plein devenir des envieux. On a grandi avec nos rêves de gosse. Yeah, oh. On s'accroche, c'est pourquoi on bosse. Ouais gros, on voulait croquer la vie, mais c'est la vie qui nous a bouffé. Yeah, oh, pas de regrets, on fera tout. Donc on dira qu'on a tout fait. Yeah. Hey, Edinho, check. Edinho, Bozak City, check. Hey, les frères tapent dans le bâtiment, mais pas ton BTP. Un tout qui un sachet, rien qu'il tape un TP. J'suis posé dans le bendo, des charcles, des candos. Viens chercher leur queue dro. Ouais, la rue c'est paro. Ça m'a toqué de faire du rap, ils m'ont dit c'est pas pour toi. Rien à foutre, j'ai pris le mic. Ouais, rien ouais. À foutre, j'ai pris le mic. Ouais. La vie, c'est chacun pour soi. J'ai un seul regret, j'ai fait pleurer ma mère. Maintenant qu'elle est partie, je suis en perte de repère. À peine majeur à la rue, j'étais plutôt du père. Avec 100 balles pour vivre, je savais pas comment faire. On s'est ressaisi, on a fait de l'argent. Éviter les darmes, gens, ouais, fallait bien gémant. Les grands de ma ville m'ont dit faut y aller. Charbonne un peu tes textes pour aller les massacrer. Les flots sont chargés, les punchlines aiguisés. Et j'ai tout mis en œuvre pour sortir des tranchées. On a cessé le bail, ouais, ma gueule, tu crois quoi? Ils t'appelleront encore tant qu'ils auront besoin de toi. Y'a plus d'amitié, des conflits d'intérêts. Ton âme de profiteur, Igo, je l'ai enterré. J'ai mis du temps pour comprendre cela dans la tête. Faire preuve de gentillesse est un aveu de faiblesse. Bang bang. On est posé sur le bitume, père de gel coutume. Faut pas parler chinois quand on veut te fumer. J't'aime bien, mais faut zapper mon humain. Reste de thune. T'es jamais venu par ici, tu fais croire que t'as de la mif. Dans le store y'a un œuf, sur V de feneux, j'le crame sur le pot. Y'a 50 et 25, j'ai dispo. Appelle-moi quand tu veux, mais demain j'ai un plat. 5h ta pointe, on prend cash le départ. On se fout les trains sans épargne jusqu'à Paname. Mets des fesquis au contrôle, mais c'est l'heure. On n'a pas nos papiers et pour toi j'ai pas de thème, nique sa mère. Yeah. Yeah. Yeah. Et ça, l'on dit de la 25ème. Hey. Bang. La 25ème, hey. Freestyle on dit de la 25ème, hey. Freestyle on dit de la 25ème. Je suis méga posé dans mon monde. Je veux les pesos, c'est nickel mundo. Gros tacle les tacos, c'est ma mode. Quand je vais percer, faudra pas mendier. Rapper c'est automatique, je veux le 4. Matique, le frérot m'a dit que si je voulais faire du bif, y'a pas de tactique, fais belé, go sniff. Bitch, soirée finie, ça se pète. Fais pas l'acteur, ça le pétasse. Pour faire des sous, on est cordage. J'suis complètement rabat dans l'ILCD, ça. On dit pas non pour le fight. J'peux pas t'appeler, j't'appelle ta l'heure. Ouais, ça dit comme mon négro. Depuis qu'on se parle plus, tu fais le tour en un quart d'heure. Ma coupe est de plus en plus jaune. De plus en plus jaune, tel un super saiyan. Donc tout le temps j'évolue. Comme le petit Trunks, les kakis tombent sur mes peuples, c'est que le début. Y'en a trop dans ma tête, mais t'inquiète, j'assure. Y'en a trop dans mon cocher, mais t'inquiète, j'assume. Sur la prod, allez sur la prod, hey. Check. Hey, allez sur la prod, allez sur la prod, je me comporte comme un spartiate. Trop de suceurs de beat, Trop tu sors de beat qui demande des éjacs faciales à la recherche du bonheur. J'ai fait le tour du secteur, beaucoup de gens m'ont trahi mais depuis je donne plus l'heure. 2-5 triple Z, money money money gang. J'ai pas attendu Narcos pour me renseigner sur Pablo. Trop de moutons mon vieux, est-ce que tu vois le tableau? On parle de choses réelles, anti-mytho sur le drapeau. Demande à Chao, je découpe les prods au katana. Ouragan de flow, TMC m'appelle Katrina. J'ai pas trahi le squad, calé dans les briques squad. J'ai commencé à freestyle, la zone s'est levée comme au stade. La zone s'est levée comme au stade. J'ai commencé à freestyle, la zone s'est levée comme au stade. Ingénieur. On va switcher, hein. Non, non, non, switch pas, laisse. Je laisse couler. Ah. Ton pas ta veste, on te donne ta chance. Même dans le bas, t'as des balances. Dans le dos, j'ai des lances. J'suis encore dans les roses. Pourquoi tu fais le vénère? Tes darons te tolèrent. Aucune claque dans ton enfance. Ils ont des sous, c'était pas trop la galère. Fallait rester comme t'étais avant. Tu veux game le bliganté. La vie c'est pas un film de cul. T'es personne si t'as aucun pécule. Prends du recul sur le rinté. Si t'es un gorille, je suis un braconnier. A trop misé sur le succès, ils ont plus d'endurance. Même t'es plus lent, tu peux finir en avance. On se déteste mais devant l'OPJ je vais nier. Seul, sale bâtard, tu me fais vriller. Seul à seul tu pars du ventre. Si t'as des armes, je vais t'éventrer. Nouvelle paire 6 mois après. La rentrée en cours, je mettais des coups de presse au prof. Rien à fouetter, tout c'est dire. Mes camarades prenaient des baffes et ils parlaient mal de la bouche. Je suis tranquille dans mon coin, pourquoi tu viens me casser les couilles? Je fais des kills sur GTA, Sat Matrix. Tu crois où? Dans le 25, on fait le meilleur tarot juste en dessous de 6. Dans le 25, on fait le meilleur tarot juste en dessous de 6. La BLK. Négrito, élu 2FY, Négrito. Ah, Négrito n'est pas là, mais t'inquiète. Négrito n'est pas là, mais il va rapper plus tard. Eh. Un autre jour. Switch, switch, switch. Switch, switch, switch. On va switcher ça, vous la connaissez celle-là. Non, non, ça faut switcher direct, ça c'est nul. Moi je déteste. Non, switch, ma gueule. Je switch. Voilà, moi je déteste. Non, switch, ma gueule. Voilà lui. Non, tu connais. Non, mais même moi, ma gueule, je l'aime, bien, ma gueule. Mais t'as capté, je peux pas poser sur son instru, ma gueule, c'est bon. Ça a bon, ça a bon, laisse tomber. C'est parti alors. Young M.A. Pour ceux qui connaissent. Yeah. Vas-y, je vais lancer un truc. Hein. C'était chaud. Ah bon. C'est quoi les jets, c'est quoi les bails? Hey. C'est quoi les jets, c'est quoi les bails? Hey. Oh. C'est quoi les jets, c'est quoi les bails? Chao. C'est quoi les jets, c'est quoi les bails? Bienvenue dans mon 25. C'est quoi les jets, c'est quoi les bails? Je pète un câble, je m'imagine cagoulé devant la caisse d'épargne. On me parlait de faire du bif, ça m'intéressait pas. Mais bon, quand c'est la crise, je prie pour rester calme. Dehors, c'est la jungle, ma gueule, c'est le cas. Prêt à devenir taré pour traquer le cash. J'entends le chétan qui ricane. J'ai la haine dans les yeux, la haine qui remplit le jerrycan. Hey. Avec le Ray RTZ. Mets des baffes comme dans DBZ. Radio Sud. Sur Radio Sud, la 25ème. 101.8, okay. Yeah. Ça dit, hey. Passé de temps pour faire le vent des globes. Mon rap il me sort du beat comme un ventriloque. N'attends pas d'antidote, attends que je m'isole. Je viens salir l'antipop avec l'accent de l'ivrogne. Collé par la brigade anti-drogue. Envie de mort pour une cave remplie d'or. Pas titane dans mes anticorps. On m'achourave mon reste de love en niquant l'antivol. Pour m'en sortir, ben je n'attends personne. Personne. En danger de mort pendant que t'attends les ordres. Hey, hey. Près du four, alors Satan rigole. Avant de parler mal boulot, Satan que je m'isole. Hey. J'aimerais bien me voir devant un champ de pirogue. Mais dans mes projets, y'a comme un vent de Discord. Arrêtez les courbettes, je suis pas un gentilhomme. Avec un échantillon de Zep, je te fais un banc qui cogne. On a troqué nos sirops de fraises contre de la vodka pomme. Mais fit-on, bloque ta porte vite. Et votre carbone, je suis pas de ces mécréants qui votent Sharon. Je m'appelle Arnaud, mais je mange pas de porc, salope. Dans les allées où je traîne, ça sent la mort. Avant la store, cousin, ça vend la drogue. J'ai des têtes qui te mettent au sol, pas le rock. Touche à mon frère, je te bute, t'as ma parole, sale fiotte. RTZ. On garde, on switch. Vas-y, vas-y. Maudit. Ah. Vas-y. Yeah. Le studio se remplit. On est sur la même boucle. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Change. Allez. On va passer dans le mode kata là. Ils vont envoyer des katas de kung fu, des katas de karaté. Maudit divers, fais casson du son, déverse le poison dans la boisson, j'arrive sur le son, toujours confond. Maudit divers, fais casson du son, ok, parfait. Je suis un putain de moulin qui broie du noir. Je connais pas le sens du mot espoir et j'en ai rien à foutre de connaître la gloire. J'avance avec la rage de Maximus à la Gladiator. Autour de moi je crée des scandales à la Mediator. T'as vu, moi j'ai la gueule d'un joyeux nerveux, tellement soucieux que je connaîtrais même pas le sens de l'expression mourir vieux. Tu sais pas le pire, bah l'état va te botter le fessier. Ouais, j't'ai lu l'avenir, t'as qu'à m'appeler Elisabeth Tessier. Je suis coincé dans un putain d'univers que j't'aime à l'abri de mon unique verre. J'ai l'impression que je suis dans un nid de vipère. J'arrête de mettre des gants, je vais taper dans le violon. À quoi ça sert de rester tigeant quand tu connais le comportement des gens? Ne regarde pas dans ma direction, y'a que le mal et ses vestiges. Ne regarde pas le fond de mon âme, y'a que du sale, t'aurais le vertige. Depuis tout petit, je cache en moi une rage enfouie pour paraître plus poli, alors que j'héberge l'âme d'un tueur en série. Et j'accumule, je suis une putain de dynamo. Je dynamite les maudits, lapide le bédo et puis lapide les faux. Il faut que je vous dise ces choses, j'ai sorti mon garrot. Les gars, j'annonce le tarot, je vais en laisser plus d'un sur le carreau. Tu veux entendre parler le fou, t'as qu'à m'appeler Pierrot. Non, je ne te prêterai pas la plume, mais je suis vraiment pas ton frérot. C'est bien connu, ça joue les galériens et ça sort d'une famille aisée. Chez nous mon gars y'a rien et on va tout baiser. Je fais plus copain, je suis le grand misanthrope. J'ai plus rien de commun avec l'humain et je suis misanthrope. Nos jours c'est marche ou crève, c'est pour ça que j'ai pas le permis. Je navigue avec mon arche et mes amis sur une vague de zermie. T'as cru que la vie c'était comme sur une chaîne énergie 12, mais en fait tout le monde te la met, c'est juste une méga partouze. Moi j'ai capté à la première enculerie que j'ai subi quand on m'a dit que la vie c'était tout beau et tout joli. Bref. Aïe. Chou. Aïe. TIZT, hey. Yo. Une fois lancé, tu peux plus prendre de risques, carré. J'ai perdu v'là les sahab à trop pleurer, tu finis triste ta vie. Les amis mentent, on peut arrêter tous accro dans la nuit noire et lente. Une plaque de flic vaut plus cher que la Gestapo. On veut tous guère ta peau, sauvage et chevelu, enchevêtré sous le porche comme le bandit que tu n'es pas devenu. J'ai trop ramé, je m'écarte de trop, c'est pas les cartes qui décideront. Ce qu'on viendra, j'ai comme l'impression de faire un taf de gros. Tu veux qu'on colporte des choses qui font qu'on colporte. Ça ose remplir des folles de sperme pour simplement les boycotter. On croque pas, donc la cocotte est pleine. Côté plein de système pour que mon gars puisse esquiver côté pleine. Le mic plein de jugement, j'escorte bien dans ma nation. Dans le fond, c'est comme se noyer, donc mon pote peut faire de la natation. Pieds sans cesse et sans croître, ça finit plein sans cracher la ruse pour frapper le bord de la scène et sans battre. C'est la télé qui emballe des infos soutenues comme beaucoup plus de 100 balles qui fera l'affaire pour la foutre toute nue. Trop froid et sourdé, modé les fans pour que les femmes se sentent dépourvues que le goût d'un prix Nobel est fade. Radio Sud, ok, freestyle. Comment c'est comment ça dit. Fais-moi un spectacle, je suis un mec spécial. Ok, ok, fais-moi un spectacle, je suis un mec spécial. Spécial. Fais-moi un spectacle, je suis un mec spécial. Sévère comme spectacle, alors les terrains spé mat, ils veulent tester le mal, orchestrer le bal, loucher dans mes boys, mais ils sont tous astigmates. De mon petit lap, j'arrache des syllabes, puis grave des petites faces, en pack son de 16 bars, comme Flint à baisse bar. Les conflits pèsent grave, si ça tire, baisse-toi, si y'a bif, mets le bal. J'éradique coup de carte, coup de pute et coup de garce. Dès que je remets ça, je marque des buts où je mets des coups de casque. Je veux le salaire des stars, des carpettes légales, mes gars mettent les voiles, bled et doré de zahar. Négro, je fais la diff, négro me l'a dit. Sous gros, j'ai l'inspi, comme le gros Yarsine, reconnu comme c'est la CI. Rastaman comme Twinji. Parce que sinon c'est la cisaille. Trop de pression dans l'habitacle. Trois fois blafré comme Adidas. J'tacle à la gorge comme Abidal. Et Batman, je me suis battu grave. Et Batima, rime plus dur qu'un bâtiment. Parti d'en bas, de là où ma team combat, de là où mes types combat, fonce des sous gros collages. La vie c'est trop dommage. Collatéraux, quand tu vois que la poisse c'est la faucheuse. Collatéraux, ils veulent qu'on atterrisse, que notre art périsse. Tout ce qu'ils ont rose c'est nos pénis dans leur sale face de bitch. Tu t'es noyé, c'est que t'as raté Mitch. Gratté Mitch, dans mon cahier c'est carnage, pas karaté kid. Poulet. C'est le tonton à parler. Ouais. Donc l'intro collé au texte. Débarque complexe comme un problème de mathématiques. Je kick, pick, t'aimes à la technique. J'ai le flow élastique, ça confond onomatopée et mon couplet de wesh et yo des automatopées. C'est chaud, c'est pas un texte Bernard Pivot. J'viens scier les barres au Gava, éclater les barrières trop chaud. Et j'suis devenu Barjo Gava, surveille bien tes arrières. Combat de fer à lycée, gars, va falloir te faire à l'idée. Vous êtes stylé comme Alizé, tu peux pas test rivaliser. Je découpe comme Brooke, clean. Sur un kick de Brooklyn, je m'accroche dessus comme une tumeur maligne. Je te mets mal comme la ligne. Le peur n'est pas mort, t'as tort. Écoute, je pratique le sport, j'arrive, c'est gore, tu t'évapores. Y'a du kicker hein, ce soir. Hein. Allez. À droite. L'ouverture est large, j'en parle comme une blessure post-traumatique. Sauter les barrières à l'arrache pour éviter de sortir l'automatique. Je me lève trop tard, le taf m'a gavé sévèrement. Défoncé au point de ne même plus tenir ce verre. Donc j'entasse les paradoxes, me lâche dans mes incertitudes. Posté sous mon porche, je roule incessaire, c'est la merde qui me tue. Une fois en deuil, la feuille se remplit tellement vite. Je cours dans le fond du bat, les autres m'épatent de sentir tellement libre. J'avance à reculons, j'attends que le vice tombe sous terre. On voit des choses démesurées, protège mon fils. Je cherche la paix sincère, ne rappe que l'essentiel. Réservoir d'essence, allume cigare pour un EP essentiel. J'écris constamment défoncé. Voir les choses en grand ne veut pas dire qu'on ne voit plus rien de foncé. La nuit est claire, ce que je vis. Un peu paranoïaque et psychotique, imite les fous, ne voit que ce que je lis. Les yeux encernés, on braque l'industrie gentiment. L'homme derrière le flingue te fera prouver que même le gentiment. Catalogué comme si on paraissait pas trop logique. La foi dans l'amertume, souffrir d'une maladie pathologique. J'ai rêvé d'esprit sain, d'esquisse, de Nesby simple. D'avoir à partager ma peur avec des mecs qui chiantent. Mentir à mort, à moitié du côté du monde se vante. Et d'avoir voté pour un porc ou dégoté une bombe. Chelou. Check sa mec. Check sa mec que ça pète sa mère. Bang. Bah. Check sa mec que ça pète sa mère. Bang. J'connais pas la vie de château. La haine, je n'y ai pas échappé. J'fais pas les El Chapo. J'vais la baiser sans la tchatché. Arbi des aides, t'es pas les muchachos. J'connais sa hatch, sa bouche, sa glotte. Sors le pèse et les guerres s'affolent. J'y fuis sa mère si elle fait la folle. J'ai vendu le tag, j'ai esquivé la fouille. Et quand y'a foi, on cherche la faille. J'fume la forte aux effets néfastes. Et j'attends encore que mes péchés s'effacent. Dans 10 berges, j'serai dans quel état? Si j'y passe, ils diront qu'il était temps. Ils m'ont haïen, mais j'ai pas la tété. Entêté, le DZ est têtu. J'suis pété, je titube. J'ai niqué ta rue, mais tu t'es-tu. M'appelle pas la mif, mais qui es-tu? J'suis pas à la recherche de quiétude, je devrais arrêter d'esquiver le stud. Je suis au stade où le tarte tue. J'arrête ça, mais d'abord je tire une barre de plus, plus. Une barre de plus, plus. Et faut que j'amasse un max de thunes. Je mets mon masque et je leur casse le cul. Scoop un couac, je te passe dessus. Les temps sont durs, la tension dure. Et je vois la haise qui me tend son cul. Mon son tue, c'est une balle réelle. Ce que je veux, c'est mon dupe, pas les miettes. Si je titube, je suis rap ta miette. J'sais qui sont les putes, qui sont les miens. Bang. Oh, pull up là, celle-là, elle est bien. Laisse ça. Hey. Tout le monde se la joue perso. Tout le monde se la joue perso, yeah, yeah. Gaon. Pardon, mec. Yeah. Hey. Tout le monde se la joue perso. Personne n'y pense pas contre personne. Il faut se faire seul, j'ai arrêté de faire ça. Faut le faire zinc, nous on sait faire ça. Merci au daron car on n'est pas des imbéciles. Ceux qui ont peu ont le plus d'appétit. Yeah yeah. Faut t'en fais jamais décélérer, laisser les rires. Fais parler de talent, faut exceller mec c'est vital. Faut de l'excédent, il faut de l'excellent taf. Wow wow wow. J'arrive en balle comme un taf et quand dame. Dans les ténèbres j'étais tapé dans le noir. C'est normal que je vais monter, moi j'arrive d'en bas. Y'a que les fumeurs qui demandent mais pourquoi. On veut de l'argent, du pouvoir. Pourquoi vous l'aurez être un you-voir. On m'en a monté depuis tout voir. Toi et dessus dans le mouroir. Gang gang. Remets la moi et chic celle-là. C'est reparti mon gars, t'inquiète. La 25ème jusqu'à minuit. Et il est déjà. Et j'avais pas vu l'heure. C'est reparti. Ok. Yo. Comment te parler comme qu'on nous dise maintenant. Essuyer ses pleurs dans les robes de sa ronda. Piqué dans le cœur et que le vice m'attend. J'ai le cœur sur la main et les mains dans la coque. Et les bottes et les blocs que je ne cherche plus. Plié comme un camé dans un déclin qui reste. Prépare le festin de reste, on est prêt, on y reste. J'ai la gueule de bois d'un matin d'ivresse. Prépare tes fesses alors on braque dans la voix. Déraper c'est dingue devant l'air de tes copines. Sur le fil du rasoir on est prêt, c'est ton concept préféré. Alors mon pote c'est bien vrai que t'as la voix. C'est pas comme au large, je m'appelle Kik un coup. Jouer comme on parle, j'dis qu'on vous dise d'un fou. Qu'il est faux, qu'il est terne sans vous dire qu'il est ferme. Et qu'on l'appellera monsieur s'il vous pisse d'un coup. Salut la caissière, prépare ton arme. Si on t'lâche avec un flic, t'es fait. T'as du fric, c'est la crise de panique. Tu t'écrases devant lui, tout comme son fils pété. Ramène la drogue, et on ramène la flotte guerrière. C'est la Bosnie comme icône et comme en base. Du Max PM, c'est la crème de la crème. On s'en bat, fais fureur, fermez la porte et mets les gaz. Chaussette claquette, c'est la dégaine qui claque dans la gueule. Frérot, t'assassines pour une amende. La rime qui blesse, le phallus dans l'anus d'une routière. Engrossé par un condé, on gonfle le monde. J'ai comme une douleur à la poitrine qui me lasse, c'est fait. T'as plus qu'à ramener de la vitesse noce. Nous dirait en bosse à la vitesse de la lumière. Alors on tombe le décolleté de la recette, la fille du boss. Hein, c'est chaud, t'es grave. T'as la puissance d'un missile qui viendrait fendre l'américain. Empêche pas d'émettre de la douleur et des lettres sans son. Avec des mots que t'apprécies bien. Soirée dans un calme, frérot qui déboule avec un peu pour cacher contre ce corps enrobé dans le vide. Tire main en l'air pour y appâter le verre et son bébé. On va pouvoir y déposer nos chrysalides. Yeah. C'est comme une patate de seum, isolé du monde comme elle veut rabattre au seul. Super élégant dans mon mallette, j'ai la conscience de m'y mettre et j'ai tenace quand on me parle d'autres personnes. J'en ai vu se tabasser, des douleurs en passager. Les potes d'adulaire qui viennent voir pouvoir qu'est passager. Des menaces et des fleurs sur la tombe des frérots perdus. Ignorant tenace qui ferait tout pour ramasser. Le petit frère passager envoie des baffes doucement. Imitation Goldorak et arme douce coup. Faudrait pas qu'on vienne et qu'on y grave doucement.